Audiomatic. La transmission 143 d'Audiomatique s'ouvrait avec le projet Subscan mené par l'artiste belge Jean-Marc Paulet. De son album Repaired, nous vous avons offert sa composition intitulée Calm Down. Sans l'intervention des électronistes, la musique règne à Audiomatique. Can I call you later? Carla was on her break from the graveyard shift at the mayonnaise factory. She sat at a teetering picnic table. There was a toxic orange moon, and it was slightly cold. Carla took out her knife and began etching random words into the table's surface. Then she thought of her co-worker, Jack. Carla liked to think of Jack as a luscious apparatus. He was meaty but graceful. His flesh seemed folded under his body like a suit made of meat. Carla started to think of Jack as a luscious apparatus in a meat suit. Thinking this gave Carla a dreamy smile. Her mouth was small to begin with, but dreaming made it even smaller. That's just how some people are. Their mouths get smaller with dreams. Carla's small mouth was dreaming as her knife began carving a poem into the table. I like hot voids, smooth pants, lazy beds in the rain. I like tongue petals, lather of blistering sun. But what I like best is the worship of a luscious apparatus. When Carla was done carving, she went back to her workstation and scooped shiny white goop into jars. That's just how some people are. Their mouths get smaller with dreaming. The next day, Jack took his own 1 a.m. lunch break at the same picnic table. He noticed the poem carved into the wood. Although he didn't know who had written it, he coincidentally thought luscious apparatus aptly described him. And so he took out his own knife and wrote, "Luscious apparatus was here." After a few days, both Jack and Carla happened to sit at the picnic table at the same time. They both started to look at the things carved in the table. Then they looked at each other. They knew who each other was. Carla's mouth got small and dreamy. Jack's eyes got round and hot. When they got done with the graveyard shift, they went back to Jack's apartment and had sex. Wordless sex, slow sex, fast sex, talking sex, sex like animals have. Sex like boys have, sex like girls have, sex upside down, sex inside out, sex with wins, sex with tears, sex, sex, sex. Then she noticed the knife by the side of Jack's bed. Jack picked the knife up and Carla knew at once that Jack's wounds were from carving himself. Jack was trying to carve poems into himself, and now he wanted to carve some in her. This is where she drew the line. She'd have any kind of sex, but not with a knife. When Carla refused to let Jack carve her up, Jack felt cheated and misled. He felt that by carving a poem in the table, Carla had been begging to be carved upon. Carla didn't see it that way at all. She got up and started putting on her clothes. Jack went nuts. He was coming at her with a knife. Carla was scared. Carla was shaking and sweating. Then, because she was small and could move fast, she ducked, and Jack tripped and fell and impaled himself in the arm with his own knife. He howled and howled, and Carla got the hell out of there fast. Carla didn't think of Jack as a luscious apparatus after that. C'était sur la musique du projet Recoil d'Alan Wilder que nous terminions cette séquence de deux pièces. De son album Unsound Methods, nous écoutions la pièce Luscious Apparatus qui met à contribution les mots et la voix de feu Maggie Estep, une poète et auteure américaine. Rappelons qu'Alan Wilder a quitté le groupe Depeche Mode en 1995 pour se concentrer sur son projet Recoil, qu'il a fondé en 1986 en vue d'explorer d'autres univers musicaux que l'électropop à la Depeche Mode. Et avant Recoil, nous entendions Trent Muller et sa pièce Even Though You're With Another Girl, tirée de son deuxième album Into the Great Wide Yonder, paru en 2010. Audiomatic dévoile maintenant la suite de sa programmation musicale avec un certain David Sylvian. Thank you. Audiomatic, nous entendions le groupe anglais Beak, mené entre autres par Geoff Barrow, membre de Portishead. De leur album homonyme, nous vous présentions la pièce I Know. Précédemment à Beak, il s'agissait du groupe français M83, incarné par Anthony Gonzalez, et la pièce A Guitar and a Heart, tirée de son troisième album studio Before the Dawn Heals Us. Et en début de bloc, nous vous présentions le chanteur britannique David Sylvian, autrefois du groupe Japan, et sa chanson Late Night Shopping, remixée par Chris Vrenna. Cette version est parue exclusivement sur la compilation Causes One en 2007. Les profits tirés de la vente de cette compilation vont aux organismes Doctors Without Borders, Human Rights Watch et Oxfam America pour leur intervention au Darfour. La version originale de la chanson Late Night Shopping se trouve sur l'album Blemish de David Sylvian qui a été lancé en 2003. Allons-y maintenant avec The Future Sound of London. Thank you. coming. La formation péruvienne Dengue Dengue Dengue nous offrait sa pièce Murda de son plus récent album Siete Raices. Avant cela, c'était l'artiste Mick Harris, connu d'abord pour sa participation en tant que batteur du groupe Napalm Death dans les années 1980, puis connu aussi pour son projet Scorn, fondé dans les années 90, et grâce auquel il a pris une directive davantage dub trip-hop, à l'image de la pièce que nous avons entendue. Mick Harris a aussi produit des albums sous son propre nom, et c'est d'ailleurs de l'un de ceux-ci, soit Session One, qui était tiré les deux pièces que nous avons entendues, qui étaient prises ensemble, donc Cure, Period et Map. Et voilà, on amorçait la séquence sur la musique de la formation de Future Sound of London, de laquelle nous entendions la pièce Still Motion, tirée de l'album Archived 8. La conclusion de cette transmission 1-4-3 d'Audiomatique sera assurée par le groupe danois Cox Box et leur composition Loads of Flow Molecular Mix, paru sur leur premier album Forever After, lancé en 1995. Même si la fin est inévitable, elle nous frappe souvent lorsque nous le souhaitons pas. Ainsi se termine chaque transmission d'Audiomatique. Mais heureusement, la fin annonce le début d'une prochaine transmission, dans ce cas-ci de la transmission 1-4-4, qui aura lieu mercredi prochain dès 17h. Entre-temps, comme quoi la fin est un concept relatif, vous pouvez réécouter nos anciennes transmissions en vous rendant sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Coxbox qui nous interprète la pièce Loads of Flow Molecular Mix. C'était Audiomatique avec les électronistes. Welcome to my world.